dans de Brigitte Tornade de Camille Coller. 21e épisode. Une nouvelle vie. Chaque année, Paul passe par la même phase, il veut changer de vie. Alors c'est l'hiver qui dure ou le printemps qui pointe, mais en général, il a envie de découvrir de nouveaux territoires. Bon, j'adhère plus ou moins en fonction des projets. Non mais arrête de raisonner terre à terre, Brigitte. C'est sûr que si tu considères uniquement les aspects matériels, on peut pas y arriver. Non, excuse-moi d'avoir les pieds sur terre pour deux. Hein. Toi, tu penses changement de vie. Moi, je pense changement d'école, nouveau boulot, déménagement, etc., etc. Voilà. Et ton plan de faire des chambres d'hôtes en habitat troglodyte, pardon, mais ça ne réunit pas toutes les conditions. Je sais pas, tiens, alors question idiote. Le premier supermarché se trouve où ? Est-ce qu'on peut faire ses courses à pied ? Bon, ça c'est typique, ça. Je te parle de vestiges remontant à la préhistoire, hein, de faire découvrir à nos enfants d'autres modes de vie, d'autres façons d'appréhender la nature et le monde. Et voilà, toi, l'hypermarché, c'était quand même pas la préoccupation première des mecs du paléolithique quand ils repèrent une grotte. Ah bah ouais, mais j'aurais bien aimé connaître le point de vue de leur femme qui se tapait la cueillette toute seule, tu vois. T'as conscience que cette conversation-là est grotesque ? Je m'en fous, je veux pas vivre dans un trou, et encore moins s'ils remontent à la préhistoire. Voilà. Chambre d'hôte en habitat troglodyte, non mais n'importe quoi. Quoi ? Pourquoi vous vous disputez ? Parce que ton père veut qu'on déménage dans une caverne qui suinte, qui pue le moisi, paumée dans la campagne. Mais... Qu'est-ce que t'en penses, Anatole ? Ben, ça dépend. Est-ce que j'aurai un arc et des flèches ? Ah, bah voilà. Voilà une réponse qui me plaît, Anatole. Mais bien sûr qu'on aura un arc et des flèches. Et on fera des cabanes ! Tu verras, ce sera génial, Anatole. Et est-ce que je pourrai chasser les sangliers ? Mais bien sûr, tu pourras chasser les sangliers avec ton arc et tes flèches. Bon. Tu verras, des gros. Ok, allez. Moi, j'arrête de discuter. C'est non. Un projet, on le mène à deux ou pas du tout. Hein, moi, ton plan homme des cavernes, c'est sans moi. Ouais, et ben moi, ça me fait pas fantasmer d'être ingénieur en roulement à billes. Ces chambres d'hôtes, c'est une reconversion professionnelle qui aurait du sens. Non. Brigitte, sois pas bornée. Non, non et non. Ne fais pas cet air de chien battu. Je suis peut-être bornée des fois. Changer de vie, ok, mais pas à n'importe quel prix. Enfin, j'ai bien fait de pas céder, parce que quelques jours plus tard... Paul est revenu avec THE projet. Une mutation à l'étranger ? Mais attends, mais c'est top ! Mais moi, je signe tout de suite ! Tu crois que tu peux avoir les Maldives ? Bon, sur un projet de développement de train à grande vitesse, non, ça me paraît pas envisageable, les Maldives. Figure-toi que j'ai demandé... New York. New York. New York. Mais c'est pas vrai. New York. New York. New York. New York. Mon chéri, mais non, mais mon chéri, mais New York, mais j'adore. Un jour j'irai à New York avec toi. Tout à la lèrem, badam. Un jour, j'adore, je t'aime. Le rêve américain à New York. Je ferai mon jogging à Central Park. J'adore. Attends, c'est pas encore fait, on est plusieurs sur le poste, et puis ça reste un déménagement, un changement d'école et un nouveau boulot pour toi, hein. Les données sont les mêmes. Non, mais rien à voir, là c'est New York, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus exaltant que de vivre dans une grotte, quoi. New York, c'est l'exotisme, c'est l'aventure, mais moi j'adhère à 200%, Paul, je te le dis. Adieu les dossiers pourris au boulot, le métro, les réunions de parents d'élèves, les tornades débarquent à Broadway. Dès le lendemain, j'en ai parlé à la terre entière, aux copains. Alors là, évidemment, tout le monde s'inscrit pour venir nous voir. Bon, mes parents étaient plus nuancés, mais c'est mes parents, ils sont toujours nuancés. Bah, c'est bien ça, Gigi. Ouais, je suis trop contente. Ouais, mais faudrait que je te mette en contact avec Georges. Tu le connais ? Non. Mais si, mon copain du club de modélisme. Dans les années 50, il habitait Brazzaville avec sa femme. Bah, il pourrait te filer des tuyaux. Mais je vois pas le rapport. Mais si, il pourra te parler de son expérience d'expatrié. Attends voir, où est-ce que j'ai fichu son numéro ? Tu sais bien, c'est lui qui m'a aidé sur la maquette du pont d'Avignon. Oh là là, et ça c'était du projet. Hein. Oui, Dieu de compte, on en a bavé. Hein. Tout un pont voûté en allumettes. Et c'est pas rien. Alors, bref. Georges, il te racontera de ces trucs sur le Congo belge, ça va te passionner. Mais oui, deux secondes, mais oui. Où est-ce que j'ai mis le numéro, là ? C'est pas la peine. Attends, bon, je te passe ta mère. Allô ? Maman ? Oui, Brigitte, réfléchis quand même, hein. Oh, je vois pas très bien ce que vous allez faire à New York. En tout cas, mon amie Josiane, ça lui a pas du tout plu, elle a trouvé ça très pollué. Alors, côté météo, bonjour la galère. Enfin, faites vos expériences, comme on dit. Mais maman, mais... Mais prenez vos responsabilités, hein. Et tu ne viendras pas te plaindre si on ne connaît pas nos petits-enfants. Oui, j'ai trouvé. Bref, j'ai continué à préparer notre départ, j'ai regardé le prix des apparts à Brooklyn, jusqu'à ce que Paul rentre pour m'annoncer la grande nouvelle. Comment ça, Bishkek? Ouais, à Bishkek, la capitale du Kirghizistan. C'est un gars du contrôle de gestion qui a eu le poste de New York, comme par hasard. Donc, bref, on me propose Bishkek. Bon, en même temps, tu disais que t'étais pas opposé à un peu d'exotisme. Non, non, mais Paul, t'es pas sérieux, hein. On peut pas partir au Kirghi, Kirghizistan. Tampon, là. Enfin, là-bas. C'est pas possible. Même si tu veux changer de vie, faut y aller progressivement, quoi. New York, c'était une première étape, une façon de voir si ça nous plaît de vivre à l'étranger. Mais Bishkek, Bishkek. Oui, bah, tu vois, on arrive même pas à le prononcer, le nom. C'est pas raisonnable, hein. Enfin, Bishtruc, là. On sait pas trop, quoi. Par exemple, je sais pas, moi, c'est quoi le niveau des écoles, par exemple? Non, mais Brigitte, le problème n'est pas là. Moi, je vois la cinquantaine arriver. Et... Enfin, dans 12 ans, ça va quand même. Mais c'est demain, Brigitte, c'est demain. Et pour l'instant, ma vie ressemble plutôt à celle d'un hamster dans une roue qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et bientôt, on sera mort. Et puis, si ça se trouve, c'est à Bishkek, hein, qu'on sera heureux. Oui, mais si ça se trouve, c'est ailleurs. C'est pas dit que c'est à Bishlouquette qu'on ferait le mieux. Bah, n'empêche, c'est un signe. Hein. Moi, j'ai toujours rêvé d'autre chose. Et là, enfin, c'est l'occasion qui se présente. Je me dis que ce serait vraiment, vraiment con de refuser. Non, non, non, mais te dis pas ça. Hein. Te dis pas ça. On va, voilà, on va regarder si l'offre pour la maison d'hôte en habitat troglodyte est toujours libre ou autre chose. Hein. Le tout. C'est de pas se précipiter. Voilà. Bon, c'est une autre famille qui a finalement profité de l'aubaine du Kirghi truc là. Et pas de bol, le plan habitat troglodyte est tombé aussi à l'eau. Ouf. Mais bon, j'ai convaincu Paul de prendre un nouveau départ, chercher un appart plus grand pour déménager. Attention, dans la ville où on habite et dans le même quartier si possible. Bah quoi, c'est déjà une étape, non? C'était La vie trépidante de Brigitte Torna. De Camille Collère. Avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Françoise Lebrun, Philippe Duquesne, Samuel et Anna Cajman. Remerciements à Élodie Piat, Greta, Sophie Bissante, conseillère littéraire Céline Geoffroy, prise de son, montage, mixage Pierre Mine et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation Lise-Marie Barré. Réalisation Cédric aussi.